conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que savons-nous des femmes de la préhistoire ? Que savons-nous des femmes de la préhistoire ? Furent-elles reines, déesses, matriarches ou bien passives ? Sempiternellement traînées par les cheveux, exploitées et dominées ? Ont-elles changé au cours des millénaires dans leur apparence physique, dans leurs attitudes et leurs gestes, leurs rôles et leurs statuts sociaux ? Et dans leur rapport aux hommes ? Ces questions constituent les premières phrases du livre que vient de publier notre invitée d'aujourd'hui, Claudine Cohen, livre intitulé « Femmes de la préhistoire ». Bonjour Claudine Cohen. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et à l'EPHE. Alors je précise pour nos auditeurs que l'EHESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales, et l'EPHE, c'est l'école pratique des hautes études. Oui. Vous n'êtes que dans les hautes études. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire, hautes études ? Ça veut dire qu'on fait de la recherche, et pas seulement de l'enseignement, on enseigne la recherche. Voilà. Ce sont des chercheurs qui enseignent leur recherche. Et là, le sujet auquel vous vous intéressez, ce sont les femmes pendant la préhistoire. Oui. Comment elles se vêtaient, comment elles vivaient, ce qu'elles faisaient, comment elles avaient des relations avec les hommes. Et la préhistoire, ça commence quand ? Ça s'arrête quand ? La préhistoire humaine, aujourd'hui, on sait que ça commence il y a au moins 7 millions d'années, quand la famille humaine trouve son origine. En Afrique, on a trouvé un fossile qu'on a nommé Toumaï, qui a été daté de 7 millions d'années et qui représenterait une forme très ancienne, très primitive de cette famille. Et puis la préhistoire se développe évidemment tout au long des millions d'années, hein, depuis cette période très ancienne jusqu'à la fin du paléolithique, c'est-à-dire l'époque où les hommes étaient chasseurs-cueilleurs. Et puis autour de 10 000 ans avant le présent commence un réchauffement climatique et un changement de mode de vie. Et une période qu'on appelle le néolithique. Donc la préhistoire, c'est à la fois cette très longue étendue des temps paléolithiques et puis cette étendue des temps néolithiques jusqu'à l'époque historique. La préhistoire, c'est tout ce qui concerne les cultures sans écriture. Alors quand on lit votre ouvrage, on est frappé de voir à quel point le fait de retracer l'histoire de la place des femmes dans la préhistoire, c'est un peu faire l'histoire des préjugés et des lieux communs. C'est-à-dire que on rétroprojette ce qu'on voit dans le présent, dans le passé, avec l'idée que le présent sert de caution à nos discours portant sur le passé. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas le premier livre que j'écris, et je suis moi-même historienne donc des sciences, historienne et philosophe des sciences, et j'ai beaucoup travaillé sur la question de la reconstitution et de la preuve dans les domaines donc de la préhistoire, de la paléontologie. Et ce sont des sciences tout à fait particulières parce que elles travaillent avec un matériau minimal, des traces, des fragments, des petits bouts, et généralement des choses dures et pas du tout des choses molles ou des fibres ou des choses comme ça. Donc il faut inventer beaucoup, il faut imaginer beaucoup. Bien sûr, il y a des procédures scientifiques qu'on a essayé de mettre au point de la façon la plus rigoureuse possible. Mais il y a aussi tout un pan de recréation, d'imagination, qui est inévitable et qui fait partie même de la démarche du scientifique. Et dans cette imagination se logent évidemment toutes sortes d'idées reçues, de préjugés, de stéréotypes, qui longtemps n'ont pas été critiqués. Aujourd'hui, les préhistoriens sont un peu plus attentifs à critiquer ce genre de préjugés. Et il faut, en particulier pour les femmes, s'attacher à comprendre les différents cadres de pensée qui ont conduit à les imaginer, à les reconstituer d'une façon ou d'une autre. Et il est clair que les préjugés sexistes, androcentriques, comme on dit, ont joué un très grand rôle. Parce que pendant longtemps, on se demandait pas du tout si on avait des preuves de la présence des femmes, on pensait qu'elles étaient invisibles. On pensait qu'il n'y avait rien pour la signaler, cette présence. Ce que disaient les archéologues, c'est que quand on trouve un caillou, on n'a rien pour dire que ce caillou a été fabriqué ou a appartenu à une femme plutôt qu'à un homme. Et donc, il faut parler de l'humanité en général, de l'homme avec un grand H, dans lequel on inclut plus ou moins la présence des femmes. Mais très souvent, cet homme avec un grand H devient l'homme avec un petit H, et on parle de l'activité masculine en général pour désigner les pratiques. C'est ce que vous appelez l'invisibilité archéologique des femmes. C'est ce qu'on a invoqué longtemps comme l'invisibilité archéologique des femmes. C'est ce que prétendaient beaucoup de préhistoriens. On ne parle pas des femmes parce qu'elles sont invisibles. Alors est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a une sorte de mouvement rétrograde du vrai dont parle Bergson, qui disait que notre entendement attribue à toute affirmation qu'il croit vraie aujourd'hui un effet rétroactif. Je le cite... Notre appréciation des hommes et des événements est tout entière imprégnée de la croyance à la valeur rétrospective du jugement vrai, à un mouvement rétrograde qui exécuterait automatiquement dans le temps la vérité une fois posée. Par le seul fait de s'accomplir, la réalité projette derrière elle son ombre dans le passé indéfiniment lointain. Elle paraît ainsi avoir préexisté, sous forme de possible, à sa propre réalisation. De là une erreur qui vicie notre conception du passé. C'est une très belle citation. Je pense que Bergson avait bien compris que l'approche du passé historique ou du passé préhistorique, est forcément colorée des enjeux du présent. Alors des enjeux intellectuels, mais aussi bien sûr des enjeux sociaux. Et lorsque nous pensons aux femmes de la préhistoire, eh bien tous les cadres de pensée qui sont les nôtres, toute la place des femmes aujourd'hui, va être imposé en quelque sorte sur notre vision du passé. Alors pendant longtemps, ça a été une place assez infériorisée des femmes, dans la mesure où, pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Hein, au XIXe siècle, quand la préhistoire commence, en 1850, on est encore dans des formes législatives où les femmes n'ont guère de droits. Elles sont toujours à suivre un homme, le père, l'époux, etc. Et puis, on imagine qu'elles ont deux fonctions, en gros. Celle d'être des mères. Et donc, il y a toute une iconographie et il y a toute une réflexion sur ce côté maternel de la femme dans la préhistoire, vouée à la reproduction. Et puis, il y a l'érotisme. Alors, très souvent, il y a des espèces de déchaînement de l'érotisme dans la vision des femmes. Femmes tirées par les cheveux, femmes violées, femmes parfois... portraiturés dans des déshabillés lascifs, etc. Donc il y a ces deux aspects qui ont marqué la vision des femmes pendant assez longtemps, tant qu'on ne s'est pas beaucoup interrogé sur elles. Alors Claude Nicolène, vous citez notamment un texte d'Elifort qui est paru au début du XXe siècle, oui, intitulé « Avant l'histoire », qui montre que, enfin, qui laisse penser que les choses ont toujours été les mêmes, que oui, le rôle de la femme n'a pas varié au cours des âges. Oui. Je cite un extrait. Dès le début, deux grandes forces humaines réalisent un équilibre qui ne sera jamais rompu. La femme, centre de la vie immédiate, élève l'enfant et maintient la famille dans la tradition nécessaire à la continuité sociale. L'homme, foyer de la vie imaginaire, s'enfonce dans le mystère inexploré pour préserver la société de la mort en la dirigeant dans les voies d'une évolution sans arrêt. Oui. Fin de citation. Pour une fois, on associe l'homme et le foyer. Oui, c'est vrai. Et il associe aussi dans ce texte la femme avec l'outil. Il dit que la femme a peut-être inventé l'outil, a peut-être inventé la parure, mais c'est pour l'usage immédiat. C'est pour baquer à ses tâches domestiques. Mais l'homme, lui, invente l'art. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est éloigné de ce type de discours? On s'est éloigné, on ne s'est pas éloigné. Parce que ce qui est présent dans ce texte, c'est l'idée qu'il y a une nature féminine et une nature masculine. Et cette idée, finalement, on la retrouve encore aujourd'hui dans certaines spéculations, par exemple la sociobiologie. Hein. On peut penser la nature des femmes qui est de se reproduire et d'être plus sédentaires parce qu'elles n'ont qu'un ovule et qu'elles doivent enfanter, elles doivent attendre la naissance de l'enfant et puis elles doivent l'éduquer, etc. Alors que l'homme, lui, a de nombreuses gamètes qu'il peut diffuser un peu partout. Il est beaucoup plus mobile, et puis il n'a pas nécessairement le devoir de s'occuper de l'enfant qu'il a produit, puisqu'il n'en a pas forcément connaissance. Et donc, il y a des systèmes de pensée encore aujourd'hui qui vous disent qu'il y a un rôle naturel des femmes qui est lié à cette fonction-là, et un rôle naturel des hommes qui est de partir vers les lointains, de créer, etc. Et donc, cette idée de la nature des femmes et des hommes, c'est une idée qu'il faut encore critiquer aujourd'hui. Et je pense qu'il faut introduire la notion de genre, même si c'est une notion qui est aujourd'hui ardemment discutée, mais elle dit simplement, cette notion de genre, que la différence des sexes n'est pas naturelle et qu'elle est construite dans chaque société. Les rôles, alors il y a évidemment la biologie des sexes, mais les rôles sexuels sont dans chaque société construits différemment. Je pense qu'il faut aborder la préhistoire non pas comme une origine toute naturelle, mais comme un certain nombre de contextes sociaux dans lesquels les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques ont vécu. Autrement dit, cette différence construite des sexes, elle existe depuis le plus profond de la préhistoire. Donc vous parlez d'une très longue durée pour la préhistoire, oui. Mais il y a aussi une très grande diversité, j'imagine, oui. Que selon les lieux où se trouvent ces populations, absolument. Les cultures sont différentes, les climats sont différents, les rôles sans doute sont différents. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut avoir connaissance aujourd'hui de l'activité propre des femmes ? Comment est-ce qu'on peut établir que, par exemple, elle fabriquait des cordes, qu'elle faisait de la cueillette, de la couture, de la poterie? Comment est-ce qu'on peut sexuer le geste qui fabrique une poterie, par exemple? Alors, j'ai pas trop parlé de la poterie, d'ailleurs, dans mon... J'en ai parlé justement pour dire que... Vous citez le mot, quand même. Oui, je cite une phrase de Guylaine qui dit « On n'a pas tellement les moyens de désigner qu'une poterie a été faite par un homme ou par une femme. » J'ai pas mal réfléchi sur la question de la preuve. Et donc, effectivement, il y a... une grande difficulté à cerner pour les activités des hommes et des femmes ce qui appartient à l'un et à l'autre. Cela dit, on peut faire des hypothèses et on peut tenter de vérifier ces hypothèses. Prenons l'exemple de la fabrication de l'outil de pierre. Pendant très longtemps, cette question ne s'est même pas posée. Celui qui faisait l'outil, c'était l'homme. Le biface, la lame, tous ces outils plus ou moins raffinés, c'était un travail d'homme. Parce qu'il réclame une certaine force ? Non, parce que c'était comme ça. Parce que c'est l'homme qui crée, encore une fois. C'est l'homme qui a cette capacité de fabriquer, d'inventer. Et évidemment, peut-être, en filigrane, il y a l'idée qu'il faut de la force pour fabriquer ces outils. Et on a fait... des expériences. Aujourd'hui, la préhistoire est devenue expérimentale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'attachent à fabriquer des outils pour voir quels sont les gestes, quelles sont les procédures mentales, les chaînes opératoires qui permettent d'aboutir depuis la masse de silex à ce biface ou à cette lame. Et donc, des hommes ont fait ces expériences, mais aussi des femmes. Et on s'est aperçu que des femmes avaient parfaitement la capacité de tailler des outils. Et les outils sont exactement les mêmes, évidemment, si les protocoles pour les fabriquer sont identiques. Voilà. Et d'autre part, il ne faut pas plus de force, il faut juste une certaine habileté, une certaine intelligence, ce dont les femmes disposent en général. Donc l'outil de pierre n'est pas forcément sexué au sens mâle. Les femmes aussi pouvaient fabriquer des outils et les utiliser pour leurs propres activités. Alors la deuxième chose qui est souvent invoquée, c'est la sédentarité, cette sédentarité naturelle des femmes. Qui conduit à penser qu'elles étaient toujours au foyer et que peut-être, à l'époque néolithique, elles ont inventé la poterie, par exemple. Alors, cette sédentarité, elle ne se vérifie pas, en tout cas pour le paléolithique, dans la mesure où on sait que les peuples paléolithiques sont des peuples extrêmement mobiles, c'était des chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient, des nomades. Et donc, on sait aujourd'hui, par les peuples de chasseurs-cueilleurs qu'on connaît, on en a... étudier un certain nombre, les chasseurs-cueilleurs d'Afrique, ceux de Patagonie ou d'autres régions du monde. Et si on étudie leur façon d'être et leur façon de faire, et en tout cas le rapport des hommes et des femmes, eh bien on voit que les femmes ne sont pas sédentaires, qu'elles ont une grande activité productrice, qu'elles vont loin, souvent pour cueillir, mais aussi pour chasser du petit gibier, qu'elles portent de lourdes charges, et qu'elles sont très mobiles, qu'elles bougent avec, évidemment, le groupe, et qu'elles évitent d'avoir des enfants trop nombreux. En général, elles espacent les naissances de 4 ans. Et il y a toutes sortes de procédures. Alors, on va y revenir, mais oui. L'heure est venue d'appliquer ce qui est désormais la règle dans la conversation scientifique, c'est-à-dire d'écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Oui. En l'occurrence, c'est un extrait du Sacre du printemps. Thank you. Claudine Cohen, quel est cet extrait et pourquoi l'avez-vous choisi ? Alors, c'est un extrait du Sacre du printemps de Stravinsky, un extrait de la première partie de ce ballet qui s'intitule Le jeu du rapt. Alors, j'ai choisi cet extrait parce que, d'abord, j'aime beaucoup le Sacre du printemps et ça me semble une rencontre géniale entre la musique et la préhistoire. Très clairement, Stravinsky et aussi son associé, enfin celui qui a fait les décors, les costumes, qui s'appelait Nikolai Rerich, pensait à une Russie très ancienne, très primitive. Rerich était un archéologue qui s'était intéressé à la Russie la plus ancienne. Et dans ce ballet, il met en scène une tribu très primitive, très ancienne, préhistorique, qui célèbre le printemps. Et le printemps, c'est la glace qui se rompt, les fleurs qui naissent. Et en même temps, cette peuplade célèbre un certain nombre de rites, comme ce rituel du rapt, ou encore le rite de choisir une jeune fille pour la sacrifier. Ça m'a paru intéressant de mettre en rapport cette image de la préhistoire que donne Stravinsky, qui est évidemment une image datée, hein, c'est 1913. C'est le moment où on vient de découvrir les grottes ornées, c'est le moment où la préhistoire est très présente à l'esprit. C'est le moment où Elie Faure écrit son texte. C'est le moment, c'est 1913 aussi. Donc j'aime bien cette année 1913, elle est très marquée. Et en quelque sorte, Stravinsky découvre la préhistoire de la même façon que Picasso et Matisse ont découvert l'art africain ou l'art océanien. Et on a dit parfois que le Sacre du printemps, c'est les Demoiselles d'Avignon de la musique. Mmh. Et voilà, donc il y a tout ça qui me semble faire un ensemble très, très cohérent et très intéressant. Revenons, si vous voulez bien, à ce que vous disiez des femmes de la préhistoire. Vous disiez, ça m'a beaucoup étonné, que... Elle veillait à ne pas avoir trop d'enfants, que la durée qui séparait deux grossesses était 4 ans en moyenne. Mm-hmm. Question naïve, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça ? Ben, on le sait par l'étude ethnographique des peuples de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Pendant longtemps, on plaquait simplement des coutumes, des bantous, des esquimaux sur n'importe quoi de la préhistoire. Aujourd'hui, il y a une discipline qui s'appelle l'ethno-archéologie, qui est beaucoup plus sophistiquée et qui... tout en tenant compte des caractéristiques présentes de ces populations de chasseurs-cueilleurs, tente cependant d'extraire de cet examen des conclusions sur le mode de vie, le mode de production et les comportements qu'il engendre. Et quand c'est manipulé avec beaucoup de précautions et beaucoup d'intelligence, ça peut donner des clés pour comprendre les peuples chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Et donc, cette affaire de reproduction, on comprend bien que des peuples qui sont encore une fois nomades, qui circulent beaucoup, qui bougent, ne peuvent pas se charger d'une abondante progéniture. Et que ces images, finalement, de la femme chargée d'enfants, sont des images complètement déplacées et, elles, projetées du présent. Un des procédés pour espacer les naissances, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée de lactation, hein, c'est-à-dire le fait d'allaiter l'enfant... assez longtemps, et on sait que pendant l'allaitement, l'ovulation ne se produit pas, en principe, et donc il n'y a pas de naissance. Il y avait certainement d'autres procédés qui venaient de la connaissance de certaines plantes, probablement, et puis il y avait aussi probablement l'infanticide, qui est une pratique qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui. Est-ce que cette ethno-archéologie permet d'établir, par exemple, qu'il y a toujours eu... Une sorte de division du travail entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Et si oui, est-ce qu'elle était toujours dans le sens d'une dévalorisation des tâches féminines ? Oui, division du travail. On sait que les femmes ont souvent des rôles qui leur sont assignés. On sait que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, les femmes contribuent énormément à la survie du groupe. Elles contribuent pour 70%. À la nourriture, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas connu jusque-là. On pensait que c'était les hommes qui apportaient la viande et toutes les protéines nécessaires. Et d'ailleurs, il y a des scénarios assez compliqués qui sont fondés là-dessus. Mais si on sait que les femmes bougent, vont ramasser des petits animaux, des coquillages, parfois participent à la chasse, et ça on l'a vu souvent dans des sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs, par exemple pour rabattre le gibier, pour ramasser les animaux morts. Enfin, il y a tout un rôle féminin qui se trouve inclus dans la grande chasse. Et puis, les femmes sont généralement celles qui pratiquent la cueillette, celles qui sont associées aux plantes, de façon assez traditionnelle. Et donc, il y a toute cette activité de ramassage, de cueillette, qui est assignée à, aux femmes, et tout un tas d'activités qui sont liées à celles-là. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la connaissance des plantes, connaissance des simples, qui font d'elles aussi des pharmaciennes, si on peut dire, ou des femmes qui peuvent soigner grâce à l'usage des plantes. Est-ce qu'on peut dire que dans la préhistoire, les femmes avaient une position hiérarchique inférieure à celle des hommes? Il arrive, et on le sait encore une fois par l'ethno-archéologie, que malgré la contribution très importante des femmes à la subsistance, leurs activités sont parfois dévalorisées. Il y a des peuples d'Amérique du Sud, de Patagonie, les Yamana, qui ont été extrêmement bien étudiés parce qu'on a à la fois des témoignages archéologiques qui sont restés, ils ont disparu il n'y a pas très longtemps, donc des témoignages archéologiques et des témoignages ethnographiques. Et on peut comparer les témoignages ethnographiques aux témoignages archéologiques et on peut en déduire un certain nombre de choses sur que disent les témoignages archéologiques et comment éclairent-ils les comportements et la vie sociale. Eh bien, ce qu'ont montré mes collègues de Barcelone, qui sont allés pendant de longues années étudier les Yamana et leur culture, c'est qu'il y avait un partage des tâches dans lequel les femmes jouaient un rôle très important, mais il y avait aussi des procédures assez subtiles de dévalorisation de leurs activités. Par exemple, par les noms par lesquels on les désigne. La grande chasse est désignée avec un mot très valorisé. Et puis, le ramassage des coquillages, par exemple, qui est une grande part de la subsistance de ces groupes, il est désigné par un mot beaucoup plus méprisant. Et donc, qu'il y ait d'un côté une grande contribution des femmes à la survie des groupes n'empêche pas qu'il y ait aussi une violence symbolique ou une dévalorisation de leurs activités. C'est des choses qui peuvent arriver. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Claudine Cohen, vous avez parlé tout à l'heure de Toumaï, 7 millions d'années. Oui. On pourrait aussi parler de Lucie, 3,2 millions d'années. Est-ce que Lucie aurait pu s'appeler Lucien? Je veux dire, par là, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le sexe d'un fossile? Alors, cette histoire de Lucie, c'est intéressant parce que quand elle a été trouvée, Lucie, tous les récits de la découverte de Lucie nous expliquent qu'elle a été trouvée en miettes, en petits morceaux, qui ont dû être ensuite consolidés, reconstitués, et que dès le premier soir, on l'a nommée Lucie. À cause des Beatles. À cause des Beatles. Mais pas seulement. Je pense qu'on l'a nommée Lucie aussi parce qu'on était à un moment, dans les années 70, où la femme préhistorique entrait en force dans le domaine de l'anthropologie préhistorique. Là encore, on a rétro-projeté. Oui. Les femmes, enfin les féministes américaines, avaient beaucoup œuvré à partir des années 60 pour que la place de la femme soit reconnue dans la préhistoire. Elles trouvaient que jusque-là, les scénarios qu'on avait produits étaient des scénarios très, très machistes, où c'était seulement la grande chasse, c'était seulement les hommes, etc., qui avaient tout fait. Et donc, il y a des mouvements féministes très importants aux États-Unis qui donnent une place à « Woman the Gatherer », la femme collectrice, mais aussi la femme qui rassemble et qui donne aux femmes ce pouvoir social, hein, autant que ce pouvoir économique dans les sociétés préhistoriques. Alors, on est en 1974, au moment de la découverte de Lucie. Lucie, on nous le dit, est un fossile unique à ce moment-là. On n'en connaît pas d'autres aussi vieux. On ne connaît rien d'autre de semblable. Et pourtant, on le nomme une femme. Et il me semble que le présent des mouvements militants américains a joué un rôle dans cette désignation. C'est le féminisme qui lui a attribué un sexe. C'était des hommes qui étaient sur le terrain, mais il y avait une telle présence du féminisme dans la préhistoire américaine que... Mais de fait, est-ce qu'on sait si Lucie était un homme ou une femme? Ça n'a plus d'importance. ça n'a plus d'importance parce que Lucie est devenue un mythe. Et bon, il y a de temps en temps, il y a des gens qui essayent d'argumenter le fait que c'était probablement un homme, mais elle est devenue la mère de l'humanité en quelque sorte. Voilà, elle est devenue la grand-mère de l'humanité, même si on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas du tout la grand-mère de l'humanité et qu'il y a des fossiles beaucoup plus anciens. Mais à l'époque, c'était le plus ancien connu. Mais en admettant qu'on puisse démontrer que son sexe était masculin, est-ce qu'elle changerait de statut symbolique, elle deviendrait le grand-père de l'humanité? Je crois pas. Ou est-ce qu'on ne peut plus bouger ces choses? Je crois qu'on ne peut plus bouger, parce que Lucie est devenue un mythe, et ce mythe est incarné dans une femme. Je crois que c'était très important à ce moment-là, c'était la première fois qu'une femme avait vraiment une place parmi les fossiles de la préhistoire. Je vais quand même reposer ma question naïve, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le sexe d'un fossile? Alors pour déterminer... J'ai vu que des fossiles peuvent changer de sexe. Par exemple, l'homme du menton est devenu récemment la dame du cavillon. Oui, l'homme de menton. De menton, pardon. Oui. Alors, effectivement, comment reconnaît-on le sexe sur un fossile? Évidemment, les fossiles, ce sont des restes osseux, essentiellement, des dents, des os. Alors, il y a deux critères. Il y a un critère qui est un critère différentiel, c'est la gracilité. La gracilité féminine du squelette par rapport à un côté plus robuste des hommes. Deuxième point, c'est le bassin, c'est la structure du bassin. Et le bassin est plus large et s'écarte au moment de l'accouchement. Alors, pour Lucie, le bassin, encore une fois, était en morceaux et on ne pouvait pas reconnaître cela. Et d'autre part, pourquoi il s'écarte au moment de l'accouchement, le bassin? Parce que il faut laisser la tête de l'enfant passé, parce que notre crâne, à nous, est gros. Alors Lucie, elle avait un cerveau de 500 cm3, donc c'est à peu près impossible à prouver que le bassin laissait la place à ce crâne. Donc, muni de ces critères, lorsqu'on a des fossiles bien conservés, par exemple dans des sépultures, on peut arriver à désigner une femme par différence avec un homme. Mais il arrive bien qu'on se trompe, et c'est le cas du fossile de menton. Alors pourquoi est-ce que l'homme de menton a été désigné comme un homme? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un squelette très robuste, qui est un squelette d'Homo sapiens sapiens actuel, disons proche de l'actuel. D'autre part parce qu'il était très orné. Il y avait des coquillages, il y avait des offrandes dans la sépulture. Et l'idée qu'il y a des offrandes ramène au fait que c'est un personnage très considéré, valorisé, qu'on a là. Donc ça ne pouvait être qu'un homme. Alors ensuite, on a réétudié le squelette de façon plus fine, et on a, pour les Homo sapiens sapiens, on a des critères assez précis pour reconnaître un homme d'une femme. Et donc le fossile aujourd'hui, si on va au musée de l'homme, on le voit sous le nom de la dame du cavillon. Est-ce que on peut reconstituer l'histoire du dimorphisme sexuel? Est-ce que l'homme et la femme ont été toujours aussi différents qu'aujourd'hui, morphologiquement, ou est-ce que là encore, on n'abuse pas dans la rétroprojection? Alors, il y a effectivement des travaux très importants qui ont été faits récemment autour de cette question du dimorphisme sexuel. Pourquoi l'homme de menton a pu devenir la dame du cavillon? Parce que, à cette époque-là, chez les Homo sapiens sapiens, le dimorphisme était très peu accentué. Et donc, les femmes et les hommes avaient à peu près la même robustesse. Chez les Néandertaliens aussi, il y a assez peu de dimorphisme sexuel qui fait que certains fossiles ont changé de sexe plusieurs fois. La dame de l'Aquina, elle a changé 5 fois de sexe et aujourd'hui... C'est stabilisé. C'est stabilisé au sens où le buste de la dame de l'Aquina qui avait été fait dans les années 1910 après la découverte, qui était couvert d'une chevelure opulente, aujourd'hui il est chauve. Donc pour désigner le fait que c'est devenu un homme. Il y a eu des travaux importants qui ont été faits, en particulier par une ethnologue qui s'appelle Prissy Touraille et qui a fait une thèse pour expliquer que le dimorphisme sexuel n'est pas un donné de la nature, que c'est la différence de taille qu'on connaît aujourd'hui entre les hommes et les femmes n'existe pas depuis toujours. Elle montre que la robustesse des femmes est requise pour un accouchement qui se passe dans de bonnes conditions. Dans la mesure où nous sommes bipèdes, pour que l'enfant puisse être donc mis au monde dans les meilleures conditions, il faut que la femme ait un bassin assez large, soit assez robuste pour pouvoir agir de la sorte. Alors, ce qu'elle explique, c'est que à partir du néolithique, on assiste à un dimorphisme plus prononcé entre les hommes et les femmes. Et elle met ce dimorphisme au compte d'une hiérarchie qui s'accentue entre les hommes et les femmes, et aussi de mauvais traitements qui sont opérés sur les femmes. Et elle explique, il y a donc un choix, ce qu'on appelle la sélection sexuelle, hein, ce que Darwin appelait la sélection sexuelle, hein, un choix par les hommes de femmes qui sont plus graciles, qui sont plus dépendantes. Hein, et aussi, il y a souvent, dans beaucoup de peuples aujourd'hui, mais probablement aussi dans ces populations néolithiques, des privations. Des femmes qui vivaient donc moins bien que les hommes. On sait, en étudiant les dents, en étudiant les ossements, en étudiant les pathologies, que les femmes étaient souvent maltraitées, mal nourries, et que cette gracilité de leur squelette n'est pas une chose positive. C'est une sorte de contre-sélection qui rend l'accouchement plus douloureux, plus difficile et parfois mortel. Vous avez parlé de Darwin, nous allons y revenir, mais avant, nous allons écouter le deuxième morceau, le second morceau que vous avez choisi. Vous aimez beaucoup le Sacre du printemps, et donc nous allons en écouter un autre extrait. Quel est ce second extrait avec le poème? C'est la danse sacrale, hein, et c'est le moment où la jeune fille est choisie pour mourir à force de danser. Et donc elle saute, elle danse, et elle va finir par tomber morte. Et donc le sacrifice, c'est ce, elle est sacrifiée au printemps. Voilà. Donc c'est aussi un regard sur les femmes comme celles qui sont parfois sacrifiées. Il y a un rapport entre le sacre et le sacrifice? Bien sûr, oui, c'est le sacrifice. Oui. Vous parliez tout à l'heure de Darwin et vous citez une... Je peux dire quelque chose sur le sacrifice et sur le néolithique, puisqu'on parlait du néolithique. Alors, on trouve des sépultures de femmes ornées, décorées, valorisées, mais on trouve aussi parfois des sépultures où l'homme, apparemment, est mort et la femme a été sacrifiée avec lui. Et je cite quelques exemples de tombes néolithiques qui ont été étudiées, où on voit cette hiérarchie. La femme ne peut pas survivre à l'homme. Voilà, ce qui existe encore aujourd'hui dans certains, chez certains peuples. Alors vous parliez de Darwin, et il y a une phrase que vous citez de lui qui m'a vraiment étonné. Il écrit ceci: « Partout les femmes comprennent ce que peut leur beauté, et lorsqu'elles en ont les moyens, elles aiment plus que les hommes à se parer d'ornements de toute nature. Elles empruntent aux oiseaux mâles les plumes que la nature leur a données pour fasciner les femelles. » Fin de citation. Ça veut dire que dans l'ordre de l'humain, les femmes empruntent à la nature les armes séductrices des mâles pour subvenir aux besoins de leur propre séduction. Oui. Alors, il y a une espèce de retournement. Darwin a beaucoup réfléchi sur ce qu'il appelle la sélection sexuelle. Et il parle beaucoup des oiseaux, enfin, il parle de beaucoup d'animaux chez qui cette sélection sexuelle existe. Par exemple, les oiseaux, on sait que les oiseaux sont parés de mille couleurs, les mâles, par exemple, pensons au paon, par exemple, et qui leur permet de séduire les femelles. C'est la femelle qui choisit le mâle qui est le plus à son goût. Dans l'humanité, les choses sont un peu différentes. Et Darwin explique qu'au début de l'histoire, de la préhistoire humaine, probablement, c'était effectivement les femmes qui choisissaient. Mais à mesure qu'elles ont choisi des hommes de plus en plus vigoureux et forts... Ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Alors, il explique pas très bien ce retournement, mais en fait, c'est ce qui se passe. Et de ce fait, dans l'humanité actuelle, ça ne sont pas les hommes qui sont ornés, mais les femmes. Et donc, les femmes récupèrent en quelque sorte les ornements des oiseaux. Donc, si je comprends bien, ce sont les femmes qui ont fini, à cause de cette sélection, par donner aux hommes un pouvoir qu'ils ont sur elles. Oui, on peut dire ça d'une certaine façon. Ou en tout cas, les hommes ont pris l'ascendant sur les femmes et ont pu les choisir et puis les maltraiter s'ils le veulent. Alors, il y a un autre chapitre dans votre livre, Claudine Cohen, qui m'a vraiment fasciné, celui que vous appelez la révolution des grands-mères. Ah. Qu'est-ce ? Alors ça, c'est une hypothèse que je trouve assez intéressante. Elle part de la constatation que chez les humains, les femmes vivent au-delà de leur période reproductrice. On est la seule espèce dans ce cas ? Je pense qu'il y a d'autres espèces, mais chez les primates, on est la seule. Qu'est-ce qui peut expliquer cette survie des femmes ? Quel est le sens adaptatif de ce caractère ? Alors, il y a eu des spéculations autour de cela qui me semblent assez intéressantes, et en particulier l'idée qu'une femme plus âgée, sans doute, ne peut pas se reproduire, mais elle garde à peu près toutes ses facultés, et en particulier, elle peut aider à élever les enfants de sa fille. Plus les enfants de sa fille que ceux de son fils. Vous voulez dire qu'il y a du babysitting dans la préhistoire ? Il y a du babysitting et c'est très important, hein, parce que si on est dans des populations où les femmes sont occupées à accueillir, à chasser, etc., eh bien, l'enfant peut être aussi gardé, élevé par la grand-mère. Donc c'est un plus, probablement chez Homo sapiens, que cet avènement des grand-mères, cette révolution des grand-mères qui apporte... Des capacités plus grandes d'élever des enfants, de les éduquer et de les former. Alors, il y a des traces de la préhistoire qui nous viennent par le biais des œuvres d'art, on peut les appeler comme ça. Est-ce que les femmes de la préhistoire étaient artistes comme les hommes, ou est-ce que, là encore, il y avait une sexualisation des tâches ? Alors, on a longtemps pensé que les hommes étaient des artistes et les femmes étaient là pour les regarder. Il y a des tas de tableaux où on voit des hommes en train de peindre différentes grottes ornées qu'on connaît, et puis les femmes assises, dépoitraillées, nues, en train de contempler leurs œuvres. Alors, c'est une idée qui n'avait guère été contestée avant les dernières décennies, les dernières années même. Alors maintenant, on se dit qu'il n'y a aucune raison pour penser que les hommes étaient les Michel-Ange et les Raphaël de la préhistoire, comme c'est le titre d'une de ces images dont je parlais. Et pourquoi les femmes n'auraient-elles pas fabriqué de l'art, fait de l'art ? Alors il y a plusieurs éléments à cela. Il y a d'une part les statuettes qu'on connaît, qui représentent des femmes, souvent toutes petites, et qui servaient certainement d'amulettes. Ce sont des femmes souvent enceintes, alors il y a probablement un rôle de ces amulettes pour protéger la grossesse. Et on peut imaginer que des femmes ont fabriqué ces amulettes à leur propre usage. D'autre part, en ce qui concerne les peintures pariétales, celles qui existent sur les parois des grottes, on peut très bien penser que les femmes ont été... artistes et ont peint certaines de ces figures. Alors, une des preuves qui a été invoquée récemment, c'est l'examen des mains négatives qu'on trouve souvent sur les parois des grottes. un archéologue américain, qui s'appelle Dean Snow, a montré, enfin a utilisé donc un indice qui permet de distinguer la main de l'homme de la main de la femme. Il y a une différence en particulier dans le rapport entre l'index et l'annulaire. Mais c'est une différence constatée aujourd'hui qui dit qu'elle valait déjà dans le passé. Bah, c'était des homo sapiens comme nous. Pas de raison. C'est une raison hormonale hein, qui préside à cette différence. L'indice de Manning. Et donc, bon, à partir de cet indice, il a tenté de reconnaître sur les mains négatives des grottes. Alors évidemment, c'était des sortes de signatures. Oui. Alors sur les mains négatives de ces grottes, qui parfois sont disposées autour d'un dessin ou d'une peinture, le fait qu'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Et par exemple, le fameux tableau de Pechmerle, les chevaux de Pechmerle, c'est un tableau admirable, le panneau de Pechmerle, est entouré de mains négatives, et il se trouve que ces mains semblent être des mains de femmes. Alors d'ici à conclure qu'il s'agit d'une signature, il n'y a qu'un pas. C'est un indice, en tout cas. C'est un indice. Disons qu'on peut invoquer cette possibilité. Désormais. Alors c'est un premier point qui est nouvellement acquis, si j'ai bien compris. Est-ce que, à propos de la violence, à laquelle vous consacrez également un chapitre, il y a des nouveautés qui apparaissent? Est-ce que les rapports hommes-femmes dans la préhistoire étaient violents, ou est-ce que la violence n'est qu'un produit tardif de l'évolution de l'humanité? Je pense que les sociétés paléolithiques étaient probablement plus égalitaires que les nôtres. Même si, encore une fois, il y avait probablement des formes de dévalorisation de certaines activités féminines. On connaît quelques traces de violence au paléolithique, mais évidemment très peu nombreuses. Peut-être aussi parce qu'on ne possède pas beaucoup de fossiles et que ces traces sont difficiles à distinguer sur les fossiles. Mais à partir du mésolithique et au néolithique, donc il y a 10 000 ans et jusqu'à la fin du néolithique, on trouve des massacres, et souvent, dans ces massacres, ce sont des femmes et des enfants qui sont l'objet de ces violences. Alors, peut-être qu'ils étaient enlevés lorsqu'il y avait une guerre entre deux populations, et qu'on enlevait les femmes, et puis ensuite on les massacrait. On trouve de nombreuses traces de violences directes sur les femmes au néolithique, et aussi de violences indirectes, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les femmes étaient moins bien nourries, moins bien traitées, avaient des carences, et tout cela, évidemment, indique qu'elles étaient l'objet de la violence. Alors, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, et il ne faut pas penser que les femmes étaient complètement exemptes de ce genre de mauvais traitement, qui existe encore aujourd'hui, qui existe dans de nombreuses sociétés, et même dans les nôtres. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Est-ce qu'on peut dater l'apparition de la famille? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Ou plutôt celle du couple. Depuis quand est-ce qu'on sait que un homme et une femme s'associent pour faire famille, d'une façon dont on puisse avoir des preuves? Alors, des preuves directes, c'est très difficile. Mais on peut avoir des preuves plus spéculatives. On peut réfléchir à cette question. Lévi-Strauss disait que le propre de l'humanité, c'est le fait que l'enfant n'est pas seulement associé à la mère, mais qu'il y a autour de lui le couple. L'enfant humain est inachevé. L'enfant naît inachevé. Il ne peut pas subsister seul. Sa tête est encore pas complètement formée. Son crâne est lourd. Il ne peut pas se tenir droit. Et donc, il a besoin de soins. Et ces soins ne sont pas seulement les soins de la mère, mais sont les soins aussi du père et du groupe familial, de toute la fratrie, les tantes, les oncles, les grands-mères, etc. Et donc, on peut imaginer que l'humanité s'est constituée comme telle à partir du moment où l'enfant a été non seulement pris en charge par la mère, mais aussi par l'ensemble du groupe familial. Et c'est une chose qui remonte certainement très loin. J'ai écrit quelques pages sur la perte de l'œstrus, la perte des signes de l'œstrus, qui est le fait que les femmes n'ont pas, comme chez la plupart des primates, des périodes de rut qui marquent l'ovulation. dans l'espèce humaine, la sexualité est toujours possible parce qu'il n'y a pas de moment privilégié pour cette sexualité, en tout cas dans les comportements. On peut imaginer que cette perte de l'œstrus, qui est un événement très important dans l'histoire de l'humanité, la perte des signes visibles de l'œstrus, les Américains disent l'ovulation cachée, a remodelé complètement non seulement le corps des femmes, mais aussi les rapports entre les mâles et les femelles dans l'espèce humaine. Jusqu'au point que certains anthropologues font l'hypothèse suivante, et c'est par exemple Maurice Godelier qui a écrit beaucoup là-dessus, le fait que la sexualité étant possible tout le temps, partout, avec tout le monde, elle a en quelque sorte envahi les gens, envahi le monde social, qui n'a plus été vivable. Et de ce fait, il a été nécessaire à un moment de poser des règles, pour poser un certain nombre de règles du comportement sexuel et probablement des règles de parenté. Et ces règles de parenté, nous disent les ethnologues, sont au fondement de toutes les sociétés humaines. Donc il y aurait un lointain rapport entre la bipédie et les règles de parenté ? Disons qu'il y a un enchaînement de faits qui... la bipédie est toujours donnée comme un des traits fondamentaux de l'humain. Le roi Gourand disait « l'homme a commencé par les pieds ». Et je pense que beaucoup de traits ont commencé par les pieds. Le dégagement de la main pour la technicité, l'enroulement du cerveau sur lui-même parce qu'il est tenu en équilibre sur la colonne vertébrale. Et puis cette histoire de perte de l'œstrus, les modalités de l'accouchement féminin, tout cela a beaucoup été modifié par la bipédie. Au début de cette émission, Claudine Cohen, on a expliqué que la préhistoire a été longtemps une sorte de chambre d'écho du présent, c'est-à-dire on utilisait les certitudes du présent pour lire le passé. Vous nous expliquez que de très nombreuses découvertes récentes ont changé l'image qu'on se fait de la femme dans la préhistoire. Est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles connaissances pour interroger notre présent, faire le mouvement inverse de celui que Bergson avait décrit, utiliser le passé, la connaissance du passé pour juger le présent? Je pense que c'est un peu tôt pour en arriver là. Je pense que notre connaissance de la préhistoire est encore très morcelée, très fragmentaire, qu'on arrive à reconstituer des bribes, des morceaux. On arrive à faire des hypothèses qui changent un peu des idées toutes faites, qui étaient un petit peu sommaires. Et c'est grâce au présent, en particulier l'ethno-archéologie, grâce à des trouvailles qu'on a pu faire sur le terrain, qu'on peut reconstituer ce passé. Maintenant, quant à éclairer notre présent avec le passé de la préhistoire, je pense un peu, c'est encore un peu tôt pour le faire. Quelles sont les grandes questions que vous posez encore? Si vous pouviez, si vous aviez le pouvoir de répondre à toutes les questions que vous posez, lesquelles viendraient les premières à votre esprit sur les femmes de la préhistoire? Ben, je pense que leur quotidien, la manière dont elles géraient leur vie, la manière dont elles partageaient leur temps entre le rapport à l'enfant, le rapport à la technique, le rapport aux hommes, à la famille, la spatialité de leur existence, la manière dont elles distribuaient leur existence entre la sédentarité et la mobilité. Je pense que c'est encore des choses sur lesquelles nous avons beaucoup à apprendre. Est-ce que vous êtes capable de les imaginer, enfin de les voir presque? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer, en y pensant bien fort, une femme de la préhistoire? Alors, il y a encore une question qui me paraît très importante, c'est celle, on n'a pas beaucoup parlé du travail des fibres, du travail des plantes. Et il y a tout un pan de la préhistoire qui a aujourd'hui ouvert de nouvelles perspectives sur la manière dont les femmes utilisaient ces fibres, faisaient des paniers, faisaient des tissus, probablement, parce que ce sont les femmes qui ont toujours été du côté des plantes. Et donc, il y a là tout un ensemble de nouveautés qui sont assez intéressantes et éclairantes. Maintenant, il y a une question qui se pose à ce sujet, c'est celle de l'invention de l'agriculture. Est-ce que ce sont les femmes qui ont inventé l'agriculture à l'aube des temps néolithiques? C'est une hypothèse qui me paraît assez intéressante. Et quand vous dites que les femmes ont toujours été du côté des plantes, c'est une connaissance qui vient d'où? De l'observation du passé? Il y a des traces, il y a des preuves? C'est plus l'observation du présent. L'observation des groupes de chasseurs-cueilleurs. Donc si vous dites que c'est plutôt les femmes qui pourraient être à l'origine de l'agriculture, c'est sur cette idée-là que vous vous basez? Oui, oui. L'idée que si les femmes, alors c'est tout un enchaînement d'hypothèses évidemment, mais si les femmes ont toujours été du côté des plantes, elles ont connu les graines, elles ont connu les vertus des plantes, elles connaissent les sols qui sont les plus adéquats pour qu'une plante pousse. Et donc on peut imaginer qu'au moment où les humains se sédentarisent, eh bien ce sont les femmes qui essayent, qui font ces expériences de faire pousser des plantes. Et on peut imaginer que le jardinage, les débuts de l'agriculture en tout cas, lorsque l'agriculture était encore légère, n'exigeait pas des instruments trop volumineux et trop lourds, eh bien, ils ont été amorcés par des femmes. Mais est-ce qu'on ne fait pas reculer la question d'un cran? Parce qu'il reste à expliquer pourquoi les femmes sont du côté des plantes plutôt que les hommes. Oui, alors, bon, ça... C'est une hypothèse de base. Parce que c'est présenté comme une donnée naturelle. Une sorte d'ordre de la nature invariable. Non, c'est une donnée culturelle. C'est le fait que, traditionnellement, dans la plupart des cultures de chasseurs-cueilleurs, ce sont les femmes qui cueillent. Voilà. C'est la femme cueilleuse. Alors évidemment, bon, je ne sais pas si on peut attribuer ça à la nature de la femme, mais en tout cas, la distribution des rôles... et se passe souvent de cette façon. Alors Alain Testard, l'ethnologue, avait émis des hypothèses sur justement cette distribution des rôles. Il avait remarqué en particulier l'importance du sang menstruel chez les femmes, et le fait que de cette caractéristique du corps féminin, le fait qu'il soit traversé par des flux de sang de façon rythmée, de façon répétée. Il y avait dans toutes les cultures, selon lui, une sorte de tabou qui était assigné aux femmes. Le fait qu'elles ne pouvaient pas se livrer à certaines activités. Découper de la viande, par exemple. Par exemple, découper, par exemple, percer, par exemple, tuer. Faire couler le sang. Faire couler le sang. Et que c'était pas du tout le même sang que celui des femmes et le sang de l'animal qu'on chasse. Et donc à partir de là, il fait l'hypothèse de gestes qui seraient plutôt assignés aux femmes, hein, celui de frotter, etc., de gratter, plutôt que celui de percer. Donc une différence biologique aurait eu des effets culturels. Voilà. Et donc c'est à partir de cette constatation-là, de la différence liée au sang, que pourraient s'expliquer toutes sortes de comportements qui sont attribués plus aux femmes qu'aux hommes. L'heure de la fin de cette émission approche. Claudine Cohen, j'ai une dernière question à propos de ce que vous appelez les anamorphoses du sexe. Oui, alors ça, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. Et qui résulte de l'examen des fameuses statuettes paléolithiques, et en particulier des statuettes gravettiennes, c'est-à-dire celles qui ont été faites entre 28 000 et 20 000 avant le présent. Et il me semble, ça a souvent été constaté, mais pas de façon systématique, que ces corps de femmes qui sont figurés, dont on a remarqué qu'il y avait des gros seins, la vulve très accentuée, une tête petite, des bras presque inexistants, et des jambes aussi réduites à presque rien. Très courtes. Très courtes. Mais il y a aussi le fait que ces corps de femmes peuvent être aussi lus comme des sexes masculins, comme des phallus. Alors on l'a dit parfois, on l'a dit pour la Vénus de Lespugue, on l'a dit pour Qui est au musée de l'Homme. Oui, qui est au musée de l'Homme, on l'a dit pour la Vénus de Cireuil. Elles ont une silhouette générale de phallus. D'ailleurs, la Vénus de Cireuil, c'est incroyable. Quand on la regarde de profil, c'est une jeune fille avec cambrée, avec des jolis seins. Et quand on la regarde de face, ben c'est un phallus en érection. Avec une sorte de superposition quantique du masculin et du féminin. C'est une anamorphose. L'anamorphose, c'est le fait de lire une forme jusqu'à ce qu'elle se transforme dans une autre. Et il me semble, et j'en ai donné beaucoup d'exemples dans mon chapitre sur ces statuettes, que c'est presque systématique. Et que les paléolithiques avaient ce talent très particulier de transformer une forme dans une autre, de faire ce qu'ils appelaient des calembours formels, de faire jouer les formes. Et ça n'est pas rien de faire jouer la forme de la femme et la forme de l'homme. Il me semble que ce qu'ils désignent là, c'est quelque chose de très mystérieux, évidemment, pour nous, mais qui nous fait ressentir qu'il y a quelque chose... Un principe d'unité. Oui, un principe d'unité, d'interpénétration, pas seulement sexuelle, hein, mais formelle, entre la femme et l'homme. Et je crois que ça nous dit beaucoup sur l'esprit de ces gens, sur leur humour, sur leur sens artistique, parce que c'est magnifique ce qu'ils ont fait, et aussi sur le fait qu'ils avaient peut-être une conception de ce que nous appelons le genre, qui était la leur. Qui était déjà présente. Qui était présente et qui était tout à fait particulière à ces populations. Merci Claudine Cohen pour ces révélations passionnantes. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pierre Monteil et à la réalisation François Connac.